إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 132 dans l'explication de Kitab al-Tawhid avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc aujourd'hui on est arrivé au chapitre 57, al-bab al-sabi' wal-khamsoun. Sauf que avant de rentrer directement dans ce chapitre, il y a un petit retour en arrière que je voudrais faire au sujet du cours 131, le cours de la semaine passée. Il y a quelques petits points que j'aurais voulu détailler un petit peu plus, et je trouvais que dans le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah, il y avait certains points qui n'avaient pas été expliqués en détail. Donc, je suis retourné au charh du Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, et alhamdulillah, j'ai trouvé dans son charh des points qui sont très bénéfiques et qui vont nous aider un petit peu plus à comprendre au sujet du chapitre Babun la yuraddu man sa'ala billah, c'est-à-dire le chapitre qui dit on ne doit pas refuser celui qui nous demande quelque chose par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va juste retourner en arrière sur ce point-là et puis après on continue notre cours comme d'habitude, inshallah. Donc le premier point qu'on va discuter, c'est le point dont le Cheikh Ibn Uthaymeen parle. Al-mas'alatul oula, hal yajuzu lil-insan an yas'ala billah am la. Premièrement, est-ce que c'est permis dans l'islam de quand on demande à quelqu'un de demander par Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le Cheikh il répond à cette question. Wadi al-mas'ala lam yatatarraq ilayha al-mu'allif يرحمه الله. فنقول أولا السؤال من حيث هو مكروه لا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا يعني حتى إن عصى أحدهم لا يسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولني بل ناولنيه بل ينزل ويأخذه. Donc le Cheikh a promis, il dit premièrement, quand on demande la question est-ce que c'est permis de demander par Allah ou non, premièrement, la première question, le Cheikh il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a pas parlé de ça dans son livre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, n'a pas parlé de cette question-là dans son livre. Donc, premièrement, lorsqu'on regarde cette question-là sur ce plan-là, premièrement, la question seulement. On va pas regarder la question de demander par Allah subhanahu wa ta'ala, mais juste la question de demander à quelqu'un quelque chose en particulier. Et aller sans demander nécessairement par Allah, juste demander. Est-ce que c'est permis ou non? Le Cheikh, il explique que la demande en elle-même, elle est détestable. Et c'est pas, quelqu'un ne doit pas demander quoi que ce soit à quiconque, excepté s'il y a un besoin. Excepté s'il y a un besoin de demander. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la bay'a à ses compagnons, et il leur avait pris, parmi les choses qu'il avait incluses dans le serment d'allégeance qu'il avait pris d'eux, c'est qu'il ne demanderait rien à personne. Et les Sahaba ont compris ça, et ils ont appliqué ça, et ils l'ont appliqué à un tel point que lorsque l'un d'entre eux était sur sa monture et qu'il avait échappé son bâton ou quelque chose comme ça, il ne demandait pas à quelqu'un « ramasse mon bâton pour moi s'il te plaît », il descendait lui-même pour aller le chercher. Donc c'est pour dire à quel point les Sahaba avaient prenaient ça au sérieux. Ils ne voulaient rien demander, quoi que ce soit à quelqu'un. Pourquoi? Le chef il l'explique, je ne vais pas lire tout parce que c'est juste pour faire un résumé. Il disait parce que l'être humain, le musulman, il doit garder son honneur et sa dignité, sa fierté. Et il ne doit pas se rabaisser devant quiconque. Et le fait de demander à quelqu'un quelque chose, ça fait en sorte que cette personne-là, elle se rabaisse d'une certaine façon. Donc c'est pas permis de demander. Et en même temps, lorsque tu demandes aux gens, eh ben ça fait que ces gens-là, ils doivent te donner quelque chose. Des fois, ils vont te le donner, alors ils se mettent eux-mêmes dans la difficulté ou ça les met dans l'embarras. Et donc le mieux, c'est d'éviter ça et de pas demander. Et donc il dit. الشيخ ابن عثيمين يقول أما سؤال المال فهو محرم ولا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فقال الفقهاء يرحمهم الله باب في باب الزكاة إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ولكن فيما قالوه نظر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة فلا بأس. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne la question de demander de l'argent, est-ce que c'est permis ou non? Le cheikh il dit c'est haram, c'est quelque chose qui est muharram, c'est interdit de demander de l'argent. Et donc c'est pas permis à quiconque de demander de l'argent à quiconque excepté pour une nécessité, s'il y a une nécessité qui implique cela. Et il dit que c'est pour ça que les fuqaha, les savants de fiqh, il y en a des fuqaha, eux, ils disent, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils disent, dans le chapitre de la zakat, ils disent, si il est permis à quelqu'un de prendre quelque chose, dans ce cas-là, il est permis pour eux de le demander. Toutefois, le cheikh, il dit, mais toutefois, cette réponse-là, ou cette affirmation-là de la part des fuqaha, il faut la remettre en question. Il faut l'analyser comme il faut. Les filles n'abord, c'est pas tout à fait ou c'est pas nécessairement vrai cette affirmation là. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre le fait de demander et il a dit que les hommes vont continuer à demander. Quelqu'un va continuer à demander aux gens jusqu'à ce qu'il soit ressuscité au jour de la résurrection et il n'a plus de viande ou n'a plus de chair dans son visage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va les faire ressusciter au jugement dernier, ils n'auront plus de chair dans leur visage. Et donc ça c'est pour dire que ça implique l'interdiction de demander, excepté pour une nécessité. Donc s'il y a une nécessité, il n'y a pas de problème pour la demande dans ce cas-là, mais s'il n'y a pas de nécessité, on ne doit pas demander à quiconque quoi que ce soit de l'argent. Et donc ça c'est le hadith qu'il a mentionné, c'est rapporté par Al-Bukhari, et par l'imam musulman également, selon Ibn Omar. Donc ça c'est pour faire comprendre qu'on ne doit pas demander. Et c'est pour ça que le musulman, il doit rester toujours dans sa fierté, dans sa dignité, et de ne pas accepter, ou de ne pas demander de l'argent. Et juste un petit point en passant, lorsqu'on parle de ce sujet-là, c'est par rapport au bien-être social. Lorsque quelqu'un est dans la nécessité, et puis qu'il n'est pas capable de travailler, ou qu'il a une maladie, ou une infirmité, ou quelque chose comme ça, puis qu'il a besoin, il peut prendre dans ce cas-là, parce que c'est une nécessité pour lui. Mais si quelqu'un, il n'est pas dans la nécessité, hein, et puis qu'il se satisfait de vivre aux dépens des gens, et de prendre de l'argent d'eux, et qu'il est capable de travailler, mais il ne travaille pas alors qu'il y a du travail, dans ce cas-là, ça c'est pas correct de sa part. Et il doit s'abstenir de demander. Toutefois, le pire encore, c'est lorsque ces gens-là sont des non-musulmans, et que hein, c'est des koufars, et toi tu leur demandes de te donner, et ils te donnent, et là, après, toi tu dépends des non-musulmans, tu dépends des ennemis d'Allah. Dans ce cas-là, ça c'est haram, ça c'est encore plus grave, parce que par la suite, bien entendu, premièrement tu te rabaisses devant les koufars, et puis c'est eux qui dépendent de toi, donc tu, par la suite tu leur dois une défaveur, hein, et tu leur dois quelque chose, et donc ça amène une forme de dépendance à eux, et ça c'est très mauvais. Donc dans ce sens-là, c'est très très grave d'accepter ces aides-là s'il n'y a pas de nécessité. Le cheikh dit « Amma su'al al-ma'ouna bil-jah » ou « al-ma'ouna bil-badan » فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك Donc le cheikh dit de demander de l'aide soit par le statut d'une personne, comme tu demandes à quelqu'un de t'aider parce qu'il est haut placé ou qu'il a une autorité ou une importance, ou bien de demander à quelqu'un de t'aider physiquement. Donc ça c'est quelque chose qui est détestable ou déconseillé, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de bien, mais c'est pas haram, ok, c'est makruh seulement, excepté s'il y a un besoin, excepté s'il y a un besoin. Et donc là on a parlé de la question de demander est-ce que c'est permis ou non. Maintenant la question de si quelqu'un nous demande, est-ce qu'on a le droit de refuser ou non. C'est ça le chapitre du livre, c'est la question c'était celui qui te demande par Allah, on doit pas le refuser, on doit pas lui refuser. Donc on va voir qu'est-ce que le cheikh dit à ce sujet-là. أما إجابة من سأل بالله فإن السؤال لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يسأل سؤالا مجردا كأن يقول مثلا يا فلان أعطيني كذا وكذا. فإن كان مما أباحه الشارع فإن كان مما أباحه الشارع له ذلك تعطيه فإنك تعطيه. فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. Donc le chef il dit, en ce qui concerne la question de demander par Allah, il y a deux possibilités à ce sujet-là. Premièrement, la personne te demande quelque chose simplement en demandant, sans demander par Allah. C'est-à-dire, il te demande, donne-moi telle ou telle chose. Mais il ne te dit pas, donne-moi par Allah, il te dit juste, donne-moi. Ok. Dans ce cas-là, le cheikh dit que si ce qu'il te demande fait partie de ce que la charia lui a permis, c'est-à-dire, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de demander, dans ce cas-là, tu lui donnes. Comme par exemple quelqu'un qui est pauvre, qui te demande de la zakat, tu lui donnes. En ce qui concerne l'autre cas, أما الثاني أن يسأل بوجه الله أو بالله فهذا تجيبه. Oui c'est ça. أن يسأل بالله فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم ولكن لو سأل إثما أو ما كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. Donc le cheikh il dit, le deuxième cas, c'est que quelqu'un demande quelque chose par Allah. Celui-là, tu dois lui répondre et lui donner, même s'il ne mérite pas ce que tu lui demandes, ce qu'il te demande, même s'il le mérite pas. Pourquoi? Parce qu'il demande par un grand, par quelqu'un qui est grand, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quelqu'un qui demande par celui qui est le grand, tu dois lui donner par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu donnes à la personne par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, s'il te demande un péché, ou il te demande quelque chose qui va te nuire à toi-même, lorsque cette personne te demande quelque chose qui peut te faire un mal, dans ce cas-là, tu ne dois pas lui répondre ou lui donner ce qu'il te demande parce que, yani, c'est un péché ou bien ça va te nuire à toi. Et il donne deux exemples. المثال الأول أن يسألك بالله نقودا ليشتري بها محرما كالخمر. La première exemple, c'est comme quelqu'un qui te demande de lui donner de l'argent pour qu'il achète quelque chose d'interdit dans l'islam, comme de l'alcool. Celui-là, tu lui donnes pas, même s'il te demande par Allah. Et le deuxième exemple, مثال الثاني أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك فهذا لا يجاب لأنه إجابة لأن إجابته في الأول إعانة على الإثم وإجابته في الثاني ضرر على المسؤول. Donc, et deuxièmement, le cheikh dit, si quelqu'un, par exemple, te demande par Allah de l'informer de quelque chose qui est secret pour toi, ou bien, qu'est-ce que tu fais avec ta famille en secret, donc ça, tu n'as pas à lui répondre. Parce que, yani, bien entendu, c'est quelque chose qui est interdit et ça peut te nuire. Et ensuite, il dit, « Wa qawluhu man sa'ala billah » أي من شرطيا للعموم فعتوه الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضرر على المسؤول لأن في إعطائه إجابة أوكي ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة أوكي donc ça c'est correct. Après il y a juste un autre point dans le chapitre qu'on avait mentionné, c'est من استعاذ بالله فأعيذوه. Donc le cheikh l'explique: celui qui te demande protection par Allah, protégez-le. Donc, donc, qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait expliqué, mais juste pour rajouter un peu plus de clarification, le chef il dit, أي قال أعوذ بالله منك فإنه يجب عليك أن تعيذه لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال لها لقد عذت بعظيم أو معاذ فألحقي بأهلك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait là le cheikh il dit, si quelqu'un demande protection contre toi à Allah, il demande à Allah protection contre toi, dans ce cas là tu dois lui donner la protection parce qu'il a demandé le refuge en quelqu'un de grand, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cas, qu'est-ce qui est arrivé à alaykoum salam wa rahmatullah, c'est arrivé lorsqu'une femme, elle avait été donnée en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré auprès d'elle, elle a dit je cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre toi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu as demandé protection en quelqu'un de grand, et donc retourne voir ta famille. Et là, elle est partie retourner voir sa famille. Et donc, ça c'est l'explication par rapport au fait que si on te demande protection à Allah, tu dois donner à cette personne-là la protection. لكن يستثنى من ذلك من استعاذ من أمر واجب كأنه ألزمت أحدا بصلاة الجماعة فقال أعوذ بالله منك. Il dit, ça c'est, il y a une exception à ça, c'est lorsque quelqu'un par exemple te demande la protection, ou demande la protection contre toi à cause de quelque chose d'obligatoire. Donc par exemple quelqu'un, tu viens pour lui ordonner de faire la salat, et il vient et il dit, je demande la protection d'Allah contre toi. Dans ce cas-là, tu ne peux pas le protéger parce qu'il essaie de s'enfuir de quelque chose d'obligatoire pour lui. Donc ça c'est les points que je voulais clarifier au sujet de ce chapitre-là, pour que les choses soient un petit peu plus claires et plus faciles à comprendre. Donc je pense que ça va aider les frères et les sœurs aussi à bien comprendre les détails de cette question-là. Maintenant, on rentre dans notre chapitre. Le chapitre d'aujourd'hui, c'est Al-Bab al-Sabi' ou al-Khamsoun. C'est au sujet de le chapitre, le titre c'est Babun ما جاء في اللو. Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de dire si? Qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de dire si? Donc, on va lire maintenant qu'est-ce qui est dit par le cheikh à ce sujet-là. Le cheikh il dit قوله باب ما جاء في اللو. لو حرف يسميه النحات حرف امتناع لامتناع. تقول مثلا لو جاء زيد لأكرمتك ولو أطعتني لأكرمتك. فامتنع الإكرام لامتناع المجيء أو امتناع الطاعة. دونك يا شيخ ensuite il dit, ah oui, أما دخول ألف لام عليه فليس هو للتعريف لأن الحرف لا يعرف وإنما التعريف من خواص الأسماء فألف لام هنا زائدة فقوله باب ما جاء في اللو يعني من النهي عن ذلك وذلك لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقوله تؤمن بالقدر خيره وشره دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة Donc le cheikh il dit, premièrement, le chapitre au sujet de dire si, qu'est-ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna au sujet de dire si, si en arabe c'est qu'est-ce qu'on appelle une harf, parce que dans la langue arabe, la parole se divise en trois catégories. Harf, comme on a dit, dans la langue arabe, la parole elle est divisée en trois catégories. Le verbe, le nom, le verbe et al-harf, c'est-à-dire les articles qui viennent entre, hein, comme par exemple law, comme si, et, ou, hein, ainsi de suite. Donc, ici, les savants de la grammaire, al-nuhat, ils ont expliqué que law, ils l'expliquent en disant que c'est harf imtina, l'imtina. C'est-à-dire, c'est comme si tu utilises si pour une condition, en fait. Comme si ça se produit, alors il va y avoir telle chose qui va se produire. Mais si tu le fais pas, ça va pas se produire. Donc, imtina, imtina. Donc, c'est juste des façons, comment les savants de grammaire définissent l'utilisation de ces lettres-là. Hein. De ces mots-là. D'accord? Et il donne des exemples. Comme si Z vient, je vais te donner, je vais être généreux avec toi. Ou bien si tu m'obéis, je vais être généreux avec toi. Donc c'est un exemple. Si la personne refuse d'être obéissante, ou si la personne ne vient pas, dans ce cas-là, il n'y aura pas de générosité, il n'y aura pas de, la chose qui a été mis en condition. Donc ça c'est l'exemple. Et il explique que dans le chapitre, dans le titre ici, on mentionne qu'est-ce qui a été rapporté à propos de si, à propos de la question, d'utiliser le nom si ou l'article si ou quoi. Je sais pas comment on l'appelle en français. Je crois que c'est un article ou une conjonction. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai étudié ces choses-là. J'ai complètement oublié. Donc, le chef, il dit, pourquoi on a mis alif lam? On l'a défini en utilisant alif lam. Al-law, maja'a, puis fil-law, ils ont mis alif lam devant. Il dit, c'est pas pour le définir, en fait. C'est juste pour spécifier que c'est cet article-là. Fil-law. Parce que les lettres, les huruf, ils sont pas définissables en arabe. On définit uniquement les noms. Okay. Donc, Al-Kitab, Al-Bab, Al-Kalb, Al-Shams, ça oui. Mais les huruf, on les définit pas avec Alif Lam. Et c'est une des choses qui les distingue, en fait. Okay. Pour faire la distinction entre le nom et le verbe et les lettres, on utilise justement le fait que le nom, il accepte l'article le ou la ou les devant. Al. En arabe, c'est al. Le chef, il dit, c'est juste supplémentaire pour spécifier, hein, pour dire, wa innama ta'arifu min khawas al-asma, fa alif lam huna za'ida. Ok? C'est juste pour dire, par exemple, on veut parler de cet article-là en particulier. Ok? Qu'est-ce qui a été dit à propos de cet article-là? Ensuite, le cheikh il dit donc, bab, maja afellow, ok, c'est-à-dire, l'interdiction qui a été rapportée de dire si, dans les textes du Coran et dans la Sunna. Et, pourquoi? C'est parce que, quand on utilise ça, ça a un lien avec la foi en la prédestination. Et on sait que la foi à la prédestination, c'est un des six piliers de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi, c'est de croire en Allah, al-Iman, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, le jour dernier. Et de croire en la prédestination, hein, et en le de bien et de mal. Qu'est-ce que Allah nous a prédestiné, que ce soit le bien, dans le bien ou dans le mal. Et il dit ensuite, donc de croire en la prédestination, c'est yani, une preuve que tu as la foi en les six, yani, de croire en la prédestination, ça fait partie de croire en les six piliers, et c'est un signe, ou ça c'est la preuve à ce sujet-là, la preuve que ce hadith-là, c'est la preuve que la prédestination fait partie des six piliers de la foi. Ensuite, il dit, وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء فإن الله خلقه بقدر مقدر خلقه ومقدر إيجاده ومقدر كل تفاصيله لا يوجد في هذا الكون شيء إلا وهو مقدر من خير أو شر من ضرر أو نفع من صلاح أو فساد من كفر أو إيمان كله مقدر من الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الصحيح إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. Donc le cheikh il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 49 dans sourate Al-Qamar. Ah oui, passe-moi la traduction s'il te plaît, j'en aurais de besoin. Et Barakallahu fik. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 49 dans Surah Al-Qamar, toutes choses nous les avons créées dans une juste mesure. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mesuré toutes choses, il a prédestiné toutes choses. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses dans une juste mesure et il a prédestiné toutes choses. Il a prédestiné dans sa création et dans son existence et dans tous les détails qui le concernent, qui concernent cette chose. Et il n'y a rien dans cet univers et dans cette création, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné, que ce soit de bien ou de mal, que ce soit de quelque chose de nuisible ou de bénéfique, que ce soit quelque chose de bon ou de qui amène le bien ou la réforme ou la corruption ou le désordre. Que ce soit de la foi ou de la mécréance. Tout ce qui existe dans la création et dans l'univers a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le point que le cheikh explique. Et il dit qu'il y a un hadith qui est authentique, rapporté dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes les créatures. Dans les tables préservées, Allah al-Mahfouz, et il a tout écrit avant d'avoir créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, il a tout créé, il a tout écrit, la prédestinée des créatures, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et il dit, et son trône était sur l'eau. Donc ça, c'est la preuve que tout a été prédestiné avant même qu'on soit créé. Ensuite, le cheikh dit, وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب يعني في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله وقبل أن تحدث في وقبل أن تحدث في وقتها لأن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إذن إلا بإذن الله إذن الله الكوني القدري يعني بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة وهو داخل في التوحيد وعدم الإيمان بالقدر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان فمن كفر بالقدر فإنه كفر بالله عز وجل ولا توحيد ولا ترشيد له ولا دين له لأنه جحد القدر وهذا سيأتي له باب خاص سيعقده المصنف فيما بعد. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22 dans sourate al-Hadid dans la sourate du fer sourate al-Hadid le verset 22 Allah subhanahu wa ta'ala il dit tout malheur qui vous touche sur la terre, hein, parmi tous les malheurs et les difficultés qui vous touchent sur la terre, il n'y en a pas aucune qui vous arrive, soit en vous-même, sur la terre ou soit en vous-même, excepté que ce soit écrit dans un livre, c'est-à-dire dans les tables préservées, Allah al-Mahfoud, min qabli an nabra'aha, c'est-à-dire avant même qu'on vous ait créé. Hein, c'est-à-dire avant même qu'on l'ait créée cette chose-là, elle avait déjà été prédestinée et écrite, hein, mis par écrit dans les tables préservées. Mais قبل أن نبرأها, c'est-à-dire avant la création, avant que Allah l'ait créée, et قبل أن تحدث, تحدثها في وقتها, et avant même qu'elle arrive, qu'elle se produise cette chose-là. إن ذلك على الله يسير. Et ça c'est très facile à faire pour Allah سبحانه وتعالى. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Il n'y a pas un malheur qui arrive, excepté par la permission d'Allah. Il n'y a pas un malheur qui arrive sur la terre ou peu importe où ça arrive, excepté que c'est par la permission d'Allah سبحانه وتعالى. Il n'y a rien qui sort de ça. Et le cheikh explique que c'est la permission de par rapport à la création et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a l'izn al-shar'i ou l'izn al-kawni. Comme il y a l'irada al-shar'iya ou l'irada al-kawniya. C'est-à-dire, il y a la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création et dans la prédestination, comme il y a la permission dans la sharia qu'on connaît par la transmission de la révélation. Qu'est-ce qu'il nous a permis de faire dans la révélation? Ça, c'est shar'i. Et qu'est-ce qu'il a permis de se produire dans la création? Et dans la prédestination, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe. Qu'est-ce qui se produit autour de nous? Ça, c'est al-izn, al-kawni, al-qadari. D'accord? Donc, c'est la volonté d'Allah, le vouloir d'Allah, al-mashi'a. D'accord? Donc, tout ça, c'est prédestiné, ça fait partie de la prédestination d'Allah. Donc, de croire en la prédestination, c'est un des six piliers de la foi, et ça fait partie du tawhid. Et yani, de ne pas croire en la prédestination, c'est quelque chose qui s'oppose au tawhid et qui s'oppose à la foi. Donc quiconque a refusé ou a rejeté la foi en la prédestination, alors c'est un kafir, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a pas de tawhid et il n'a pas de religion. Parce que de renier la prédestination, c'est yani, une forme de kufr. Hein? Et donc celui qui renie le qadar, il n'a pas de religion, il n'a pas de tawhid, il n'a pas de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on va en parler dans un chapitre qui s'en vient, qui est consacré uniquement au sujet de la prédestination. Donc on va en parler plus en détail à ce sujet, de ce sujet-là. Le cheikh il dit, وهذا وجه إرادة المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد أن جحود القدر ينافي التوحيد لأنه كفر بالله عز سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit, c'est pour ça que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ça dans le kitab al-Tawhid, parce que ça a un rapport avec la prédestination, et le fait de nier la prédestination, c'est quelque chose qui nie le Tawhid, parce que c'est quelque chose qui a un rapport avec la mécréance ou le rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatu law idha ja'a biha al-insan fi siyaq al-jaza wa as-sakhat 'ala ma yahsul lahu fa inna hadha naqs min at-tawhid wa jaz' min al-qadar. لأن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يعجز ولا يسخط وأن يعلم أنه لا بد أن يحصل له ذلك شيئا شاء أم أبى جزع أم لم يجزع لابد أن يحصل ما قدره الله. Donc le cheikh il dit que de dire si lorsqu'un être humain, lorsqu'il lui arrive quelque chose, ou lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, quand il dit si, il faut faire attention quand il le prononce, parce que dans certains cas, ça vient exprimer ou montrer qu'il y a une opposition avec, soit avec la prédestination, ou soit avec, soit qu'il y a par exemple une expression de plainte, hein, de rébellion ou d'opposition au jugement d'Allah. Et puis le chef il dit donc que si c'est fait dans le sens que tu te mets en colère ou que tu es tu rentres dans c'est comme si tu désespères et tu abandonnes devant qu'est-ce que Allah t'a prédestiné. Donc ça c'est un signe que tu as une faiblesse ou un manquement ou une imperfection dans ton tawhid. Hein? Et si tu te plains de la prédestination, et ça aussi c'est un signe que tu as un problème dans ton tawhid, parce que c'est obligatoire pour être un musulman d'être satisfait de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son décret, et de ne pas perdre espoir, s'affaiblir devant la prédestination, ou de ne pas se mettre en colère devant ce qu'Allah nous a prédestiné, et de savoir que tout ce qui nous arrive, ça doit nous arriver, qu'on le veuille ou non, et qu'on se plaigne ou non, il faut que ça se produise parce qu'Allah l'a prédestiné. Donc ça c'est à ce sujet. Avant de rentrer dans l'explication des hadiths, il y a juste un petit résumé que je vais faire au sujet des points qui ont rapport avec cette question-là dans le sujet de l'utilisation de si. Le cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, il a fait un petit résumé de 5 cas dans lesquels on utilise si, et quand est-ce que c'est haram, quand est-ce que c'est pas haram. D'accord? Et de le mentionner à ce point-ci, à ce moment-ci, je pense que c'est le meilleur moment de l'expliquer, parce que ça va nous aider à comprendre tout ce qui va suivre par la suite. Donc il y a 5 façons comment on peut utiliser si, et on va voir chacune de ces situations-là, quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas permis, quand est-ce que c'est accepté, quand est-ce que c'est détestable. D'utiliser si, la première exemple c'est al-i'tirad 'ala ash-shar' wa hukmuha haram wa qad yasilu ila al-kufr. Qala ta'ala law ata'una ma qutilu. C'est-à-dire si on utilise le terme si pour s'opposer à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a ordonné, dans ce cas-là c'est haram, et ça peut même aller jusqu'au kufr, comme par exemple le verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Ça c'est le verset 168 dans Sourate Ali Imran, et ça c'est un exemple des munafiqins qui s'étaient opposés à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de partir au combat. Donc les munafiqins avaient dit « Si ils étaient restés, s'ils nous avaient obéi, hein, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Donc c'est-à-dire, c'est comme s'il disait, celui qui désobéit à Allah, s'il avait désobéi à Allah, il n'aurait pas été tué. Et c'est comme s'il s'oppose à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est haram, et ça peut même aller jusqu'au kufr. Okay? C'est comme si quelqu'un dit par exemple, si quelqu'un n'était pas allé faire la prière, ou si quelqu'un n'était pas allé faire le hajj, il n'aurait pas été mort. Ça c'est s'opposer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi, ça rentre aussi là-dedans, al-i'tirad 'ala al-qadr, et ça c'est le deuxième cas, le fait de l'utiliser pour s'opposer à la prédestination, qu'est-ce que Allah nous a prédestiné, comme par exemple, le fait de dire par exemple, لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, ça c'est ce que les munafiqin avaient dit, et ça c'est haram d'utiliser cette expression-là dans ce but-là, dans le but de s'opposer à la prédestination. Les munafiqin, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient dit, s'ils étaient restés auprès de nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Quitte la, ça c'est la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir que plus tard, plus loin dans ce verset-là, Allah il dit, celui à qui la mort avait été prédestinée, la mort serait venue à lui même s'il était resté dans sa chambre. Hein? Donc peu importe. Lorsque Allah avait prédestiné la mort pour quelqu'un, ça doit lui venir et il va aller là où, là où la mort avait été prédestinée pour lui, même si il s'enfuyait de la mort ou il restait dans un endroit soi-disant sécuritaire. Hein? Donc ça c'est un exemple. Ensuite, le cheikh il dit, troisième exemple, l'ittahassur wa nadam, wa huwa kathirun, wa hukmuha muharram, lianna kulla shay'in, يفتح الندم عليك فهو منهي عنه فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. Hein? Comme par exemple, le troisième exemple, c'est d'utiliser le terme si ou le mot si pour exprimer un désarroi ou bien un regret ou un remords. Hein? Ça, on n'a pas le droit de l'utiliser dans ce sens-là. Et les gens l'utilisent beaucoup dans ce sens-là, malheureusement, mais c'est haram. Et pourquoi? C'est parce que ça amène dans le cas de quelqu'un le regret et les remords, hein, et c'est quelque chose qui n'est pas permis. Hein. Yani, c'est comme si quelqu'un dit « Ah, mais si j'avais pas fait ça, hein, ou si j'avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. Hein. » Ça, on n'a pas le droit. Ça ouvre la porte à des remords, aux doutes et aux shaitans, et donc ça c'est très mauvais, on n'a pas le droit de l'utiliser dans ce sens-là. Ensuite, le chef dit comme quatrième exemple, l'ittamanni, wa hukmuha ala hasab al-mutamanna. Law hasala li mal, la tasaddaqt. Law hasala li mal, qamart. Hein? Ça, c'est des exemples. C'est-à-dire, on peut utiliser aussi le terme si dans le but de souhaiter quelque chose. Hein? Comme par exemple, si quelqu'un dit par exemple, si j'avais de l'argent, j'aurais donné en charité. Si, et quelqu'un peut dire par exemple, si j'avais de l'argent, j'aurais acheté de l'alcool. Ou bien j'aurais joué à la loterie. Donc, le cheikh il dit que si on utilise si dans le sens de ce qu'est-ce qu'on souhaite, dans ce cas-là, ça, c'est le verdict à son sujet, c'est selon ce que tu souhaites. Si ce que tu souhaites est quelque chose de bon, dans ce cas-là c'est permis, mais si ce que tu souhaites est quelque chose de mauvais, et de haram, dans ce cas-là c'est interdit. Parce que de souhaiter quelque chose de haram, c'est haram. Mais de souhaiter quelque chose de bon, c'est permis. Hein? Donc, si c'est pour souhaiter le bien, dans ce cas-là, alhamdoulilah, c'est bon. Si c'est pour souhaiter le haram et le mal, non, c'est pas permis. Et le cinquième cas, le khabar al-mahd al-mujarrad. وحكمها جائزة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت ما من أمري ما استدبرت وكقولك لو زرتني أكرمتك. Donc c'est comme le cinquième cas, c'est que tu utilises si uniquement pour donner une information à propos de quelque chose. Donc comme par exemple tu dis si tu me visites, je vais te faire preuve de d'hospitalité et de générosité. Ou bien, par exemple, vas-y, tu viens, on va manger, ou des choses comme ça. Ça, c'est des exemples simples. Et le cheikh, il mentionne même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit, si, c'est le hadith qui dit, لو استقبلت من أمري ما استدبرت, لو استقبلت من أمري ما استدبرت, ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. Donc le cheikh il a mentionné ce hadith là parce que le prophète صلى الله عليه وسلم lui avait fait le hajj qiran et il avait donc amené les offrandes avec lui, et donc après avoir fait sa umrah, il a gardé son ihram avec lui jusqu'au hajj, contrairement à ce que les sahaba ont fait, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم avait ordonné aux sahaba de d'enlever leur ihram et de terminer après leur umrah, d'enlever leur ihram et de le remettre uniquement quand le hajj allait commencer. Donc ça c'est un exemple dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, bon, si j'avais planifié mes choses d'une autre façon, j'aurais fait comme vous et j'aurais enlevé mon ihram aussi. Donc ça c'est un exemple dans lequel le prophète Sassam avait utilisé ici, mais c'est uniquement dans le sens de l'information et non pas dans le sens du regret ou du remords ou d'opposer la prédestination ou autre chose de ce genre. D'accord, donc là on a expliqué ça, maintenant on peut continuer Inch'Allah dans le chapitre. Le chef il explique le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre par le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est le verset qui dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا. Donc ça c'est le verset 154 dans Surat Al-Imran. Voici ce qu'ils disaient en eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Donc ça c'est le premier verset que le cheikh a mentionné au sujet de cette question d'utiliser le « si ». Il dit « si nous avions un choix quelconque dans cette affaire ». Donc ça c'est une opposition, une opposition au verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va lire le sharh du cheikh. Il dit وقال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا يقولون يعني المنافقين لشيخ الدين يعني. وهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمران وما حصل على المسلمين فيها من المصيبة التي حلت بهم من استشهاد كثير منهم وانتصار عدوهم عليهم بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تنظيم العسكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظم العسكر قبل القتال وجعل جماعة من الرماة على جبل يحمون ظهور المسلمين وقال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. ثم بدأت المعركة فصار المسلمون يقاتلون الكفار وظهورهم محمية فاندفعوا على الكفار وقتلوا منهم وفتكوا بهم فكان النصر للمسلمين. ولما شعروا أن في جمع الغنائم رآهم الذين على الجبل فقالوا ننزل نشارك في الغنائم فنهاهم قائدهم عبد الله بن جبير وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. فأبوا ونزلوا. فلما نزلوا جاء الكفار من الخلف من خلف المسلمين مع الجبل فانقضوا على المسلمين وما شعر المسلمون إلا وهم بين الكفار من هنا وهنا فدارت المعركة من جديد وصارت على المسلمين المصيبة بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم يعني الرماة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وهذا تطمين للمسلمين بعد العتاب وطمأنهم بأنهم قد عفي عنهم لما لهم من الصوابق والفضل ولكن هذه عقوبة على المعصية والله ذو فضل على المؤمنين إلى قوله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم كان المسلمون في حالة الخوف الشديد وقد أنزل الله عليهم النوم لأن النوم أمان فصار النوم ساعة فارقا بين المؤمنين وبين المنافقين المؤمنون أصابهم النوم وهذا أمان من الله سبحانه وتعالى والمنافقون ما ذاقوا غمضا من الفزع ومن الخوف والجبن. Donc, le chef explique ce passage-là, et je l'ai lu dans un seul bloc pour justement expliquer l'histoire, puisque on l'a déjà lu dans d'autres cours précédents. C'est au sujet du verset 154 dans Surat Ali Imran. Le chef, il dit que, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les munafiqin, les hypocrites, ils disent, si nous avions une décision dans cette affaire, nous n'aurions pas été tué ici. Et ceux qui disaient ça, c'était les hypocrites. Et dans le contexte de ce verset-là, c'est que c'est révélé au sujet de la bataille de Uhud, dans la sourate d'Al-Imran, et c'est au sujet de ce qui est arrivé de malheur aux musulmans, et du fait que plusieurs des sahaba ont été martyrs dans cette bataille-là, et que leurs ennemis ont eu la victoire sur eux à cause de la désobéissance et de la contradiction de l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la façon dont il avait organisé son armée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a organisé l'armée et il a placé un nombre de combattants sur une petite colline, une petite, c'est pas une montagne comme les gens s'imaginent, mais c'est plutôt juste une petite, je sais pas comment l'appeler, petite butte, yani. Hein, c'est vraiment pas gros. À côté de Uhud, c'est vraiment petit. Ouais, ça existe jusqu'à présent. Jabal al-Rumah. Hein, Jabal al-Rumah, c'est une petite butte là qui est à côté de la montagne, mais c'est vraiment minuscule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé les archers à cet endroit-là avec les flèches, hein, pour garder le dos des musulmans. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit de ne pas abandonner leur place. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit n'abandonnez pas votre place, restez sur cette butte-là, même si on a la victoire, peu importe qu'on ait la victoire ou qu'on ait une défaite, restez là, ne bougez pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsque la bataille est commencée, les musulmans ont commencé à combattre les koufars et ils ont eu la victoire sur eux au début parce que il y avait les autres qui étaient derrière qui surveillaient avec les flèches et les arcs et tout. Et donc les musulmans ont réussi à repousser l'ennemi et à en tuer beaucoup parmi eux et Allah a donné la victoire aux musulmans. Mais quand ils ont vu par exemple que les Koufar et les mouchriquines avaient laissé plusieurs choses par terre dans le terrain de bataille, et les butins et tout, ils ont commencé à ramasser les butins. Et les mouchriquines, eux, ils ont pris la fuite. Et certains d'entre eux, ils observaient. Et il y a les gens qui étaient sur la montagne, avec les flèches, qu'ils ont dit, si on voit qu'on a la victoire maintenant, donc on peut descendre, aller ramasser les butins avec les autres. Et il y a un des sahaba qui était sur la montagne, c'est Abdullah ibn Jubayr, lui il a dit, rappelez-vous ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, peu importe qu'on soit vainqueur ou qu'on ait là une défaite, on doit rester là. Et malheureusement, eux ils n'ont pas écouté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont descendus avec les autres, et donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les koufars ont vu ça, ils ont vu que cette place stratégique là, quand ils sont descendus, que cette place stratégique-là était devenue ouverte. Donc ils ont dit maintenant on peut faire le tour, passer autour de cette butte-là, parce que comment c'est fait en fait l'affaire, c'est que supposez que ici il y a la montagne, et là par exemple ici il y a la butte, et eux ils sont là. Et les musulmans, ils se battaient contre les mouchriquins qui étaient ici, et eux étaient là avec les flèches pour les protéger. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les musulmans, ils les ont repoussés, et ils les ont combattus. Donc eux, ils ont commencé à s'enfuir. Mais quand ils ont vu que les archers ont descendu, eux, ils ont dit, maintenant ça y est, le champ est libre, on va faire le tour. donc ils sont passés par ici, ils sont venus par derrière. Étant donné qu'il n'y a plus d'archers maintenant pour les protéger par derrière, ils ont le champ libre pour descendre. Et là, ils sont venus par là, et ils ont attaqué les musulmans par derrière. Donc les musulmans, eux, pendant qu'ils sont en train de regarder devant eux, les ennemis qui sont en train de s'enfuir, ils ne voient pas les autres mouchriquins qui sont en train d'arriver par derrière, en train d'attaquer les musulmans par le dos. Et donc, quand les autres mouchriquins ont vu que leurs autres alliés sont venus par derrière les musulmans, ils sont revenus par devant eux aussi, et donc là, les musulmans étaient pris entre les deux. Ils étaient pris au milieu. Hein, et donc la bataille a recommencé, et là, ça a été la défaite pour les musulmans. D'accord? Donc, non. Donc, c'est ça le malheur qui est arrivé dans la bataille de Uhud. Et tout ça, c'est à cause du fait que les musulmans ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ont fait un péché. Donc, Allah les a punis de cette façon-là, à cause de ça. Et donc, le cheikh, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit justement cette partie-là de la bataille dans le verset 152 auparavant. Justement, dans le verset 152, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous eût montré la victoire que vous aimez. Il y en a parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il y en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver, et certes, il vous a pardonné, hein, et il est détenteur de la grâce envers les croyants. » Hein, donc ça, c'est les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet de cette bataille-là. Non. Donc ça, c'est ce qui a été révélé à ce sujet-là. Puis ensuite, le cheikh, il mentionne par la suite l'autre partie du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, donc, comment on peut dire, il a voulu rassurer les croyants et leur donner de la tranquillité dans leur cœur en leur faisant savoir que il les a pardonnés par la suite. Hein. Certes, il vous a pardonné. Et donc, ça, c'est pour faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés de ce péché-là à cause des biens qu'ils avaient faits dans le passé et à cause des mérites qu'ils avaient, et que c'était juste une punition que Allah leur avait donnée pour le péché qu'ils avaient fait. Et que Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de la grâce pour les croyants. Puis ensuite, il mentionne l'autre verset qui dit, puis il vous fit descendre, ou puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de la jahiliya. Donc, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala avait épargné les croyants par la suite de l'angoisse, contrairement aux munafiqins parmi les gens qui étaient parmi les musulmans, qui, eux, n'arrivent pas à dormir et qui étaient remplis d'angoisse. Donc Allah, il a fait miséricorde envers les croyants en leur donnant le sommeil. Hein, mashallah. Donc on voit que le sommeil, dans ce sens-là, c'était une miséricorde d'Allah pour les croyants. Et tandis que eux, les munafiqines, ils étaient pris par la peur, par la crainte et l'angoisse. Hein. Ensuite, le cheikh dit, وقوله الذين آمنوا بارك الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Ils avaient des pensées à propos d'Allah qui sont contraires à la vérité, des pensées dignes de la période de l'ignorance et de la pré-islam. Et le cheikh dit, هذا هو السبب. المؤمن يظن بالله ظن الحق أنه قادم على ربه وما عند الله خير له وأبقى وهو يظن بربه ظن الحق. Donc سبحانه وتعالى ولذلك لا يخاف من الموت لأنه يؤمن بالله عز وجل ويحسن الظن بالله وأنه قادم على رب كريم ووعد من الله سبحانه وتعالى فهو مطمئن أما المنافقون فإنهم يظنون بالله ظن السوء لشيخ زي pourquoi ils étaient angoissés, ils étaient nerveux, ils étaient apeurés, ces munafiqin, parce qu'ils ont mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit, c'est ça la cause. Le croyant, lui, il pense à propos d'Allah la vérité. Ok? Il pense des choses de vraies à propos d'Allah, et il sait qu'il s'en va vers son Seigneur. Hein? Et il sait que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est bonne, elle est vraie. Et que ce que Allah a promis, c'est, et ce qui est auprès d'Allah, c'est meilleur et plus durable pour lui. Donc, il pense du bien de son Seigneur, et il pense la vérité, et il a une bonne pensée à propos de son Créateur. Et donc, il n'a pas peur de la mort. Le croyant, il n'a pas peur de la mort. Ok? Parce qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et il a une bonne pensée à propos d'Allah, et il sait qu'il est en train de se diriger vers son Seigneur qui est généreux et que sa promesse est véridique et donc son cœur est en paix. Tandis que les hypocrites, eux, ils pensent à propos d'Allah des mauvaises pensées. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils n'ont pas confiance en Allah et en sa promesse. Et ils n'ont pas confiance du fait que ils vont avoir le paradis en récompense s'ils font le bien. Donc, à cause de leur mauvaise pensée, ils ont peur. Tandis que les croyants, eux, non. Ils disent, si je meurs, alhamdulillah. Hein? Ils n'ont pas peur. Le cheikh dit ensuite, يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا هو محل الشاهد. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ارجعوا سبب القتل الى انهم ليس لهم تدبير ولو كان لهم تدبير ما قتلوا فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم فالبقاء في البيوت لا يمنع من الموت فالذي مكتوب عليه الموت في اي مكان سيخرج ويذهب إلى مكانه الذي مكتوب أنه يقتل أو يموت فيه فهذا هو محل الشاهد لو لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزاء والتسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بقضاء الله وقدره وإذا قيلت لو في مثل هذا الحال فإنها لا تجوز Donc le cheikh il explique la suite du verset 154. On avait lu la première partie. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit l'affaire toute entière est à Allah. Ce qu'il ne te révèle pas, il le cache en eux-mêmes. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce que ces gens-là pensent dans leur cœur et ce qu'ils disent dans leur cœur. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, eussiez-vous été dans vos maisons, c'est-à-dire même si vous étiez restés dans vos maisons, ceux pour qui la mort avait été décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos cœurs, dans vos poitrines, et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond justement à tous ces points-là. Et donc, le cheikh, il explique et il dit que c'est ça le but pour lequel le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce verset-là dans ce chapitre, c'est pour faire comprendre que, yani, le fait que, bon, en fait, il dit, quand eux, ils ont dit, si on avait une décision à prendre dans cette affaire-là, on serait pas mort ici. Donc, c'est comme s'ils essayaient de dire que la cause de la mort, ou la cause du fait qu'ils se sont fait tuer, c'est parce que eux, ils n'ont pas de décision à prendre dans cette affaire-là. Et le cheikh, il dit, même, que, yani, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il les réfute dans ce verset-là en disant, dans le verset 154, même si yani, vous aviez une affaire ou une décision, et que vous aviez décidé par exemple de rester dans vos demeures, ceux pour qui la mort avait été décrétée seraient sortis, hein, c'est-à-dire ceux pour qui la mort avait été décrétée, eh ben, ils seraient sortis vers l'endroit où la mort leur avait été prescrite. Hein? Exactement. Donc le fait de rester chez toi, caché dans ta maison, dans ta chambre, hein, tu dis je ne veux pas aller au combat, je ne veux pas mourir, ça ne veut rien dire. Hein? Yani, subhanallah. Donc, il dit, c'est ça. Donc c'est comme si des fois les gens ils vont aller dans le danger, hein, pour mourir, et puis même s'ils vont dans ce danger-là, ils vont et ils ne meurent même pas. Et après, ils vont revenir là où il y a pas de danger, où là il y a la sécurité, et ils se font tuer. Hein? Il y a des gens qui sont allés dans des zones de guerre, dans des zones de, il y a les, comment on l'appelle, des zones, il y a les, qui sont très dangereuses, oui, sinistrées, très dangereuses. Ils sont partis là-bas, ils ont eu plein de dangers, de menaces autour d'eux. Ils sont pas morts, ils n'ont rien eu. Et ils sont revenus chez eux dans leur pays en sécurité, ils traversent la rue, et puis ils sont écrasés par une voiture. Ou bien quelque chose comme ça, ouais. L'autre jour, il y en a ici à Montréal, et un homme, il était dans sa voiture, calmement, et il y a, je pense, combien, une dizaine de tonnes de béton qui est tombé sur sa voiture. Il est mort. Hein? T'imagines, tu es assis comme ça, calmement dans ta voiture, et puis d'une seconde à l'autre, t'es mort. Du béton qui tombe sur ta voiture, c'est fini. Hein? Donc ça veut dire, je sais pas, c'est des blocs de béton, je sais pas. Donc j'ai lu ça dans le journal, hein, j'étais étonné, hein, subhanallah. Donc, ah, c'était un Tchadien, il était musulman, un musulman en plus, hein. Subhanallah. Vous voyez, hein. Et donc c'est pour ça. Et allez, des fois les gens, ils disaient toujours, ah, on veut venir vivre au Canada, on veut venir vivre au Québec, on veut venir vivre en France et tout. Et maintenant, c'est pas ça qu'on doit dire. C'est ça que j'expliquais ça à un frère, parce que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui meurent. Beaucoup de musulmans qui se font enterrer ils font leur, la janaza à la mosquée, là. Donc j'ai dit, maintenant, il faut plus dire venir vivre au Québec. Il faut dire venir mourir au Québec, hein. Venir mourir en France, venir mourir au Québec. C'est ça ce qui se passe maintenant. Parce que la communauté musulmane commence à vieillir. Les gens commencent à venir de plus en plus, il y a des gens qui viennent ici, ils meurent ici. Et il y a un moment donné où certains membres de la communauté, de certaines origines en particulier, eux, ils veulent toujours faire rapatrier leur corps après leur mort dans leur pays. Hein. Donc à chaque fois qu'il y en a un d'entre eux qui meurt, là, ils font des collectes, ils ramassent de l'argent. Des fois ça monte jusqu'à 6 000 $ qu'ils doivent récolter pour chaque personne qui meurt. Donc là, ils viennent à la mosquée pour demander de l'aide, hein, pour ramasser de l'argent. Tout le monde donne. Et là, quelques jours après, un autre qui meurt encore. Donc ils viennent encore demander. Quand ça arrive à un intervalle très grand, comme un an, deux ans, ça dérange personne. Les gens ils disent ouais, on va donner. Et quand ça commence à arriver à un intervalle régulier et que des gens commencent à mourir de plus en plus et commencent à demander de l'argent pour faire rapatrier les corps, là les gens commencent à réaliser que là ça commence à être trop cher. Hein. Qu'est-ce qu'ils font en France, d'après ce que j'ai entendu, c'est que ils ont une caisse, hein, où tout le monde met de l'argent. Je pense que c'est l'ambassade qui fait ça, ou bien les gens de la ville ou quoi, je sais pas comment ils s'organisent, mais ils ont un fonds là où ils ont de l'argent préparé, mis de côté pour rapatrier les corps dans les pays d'origine à chaque fois que quelqu'un meurt. Mais c'est quand même étonnant de la part de ces gens-là qui critiquent les pays musulmans puis qui disent toujours des choses mauvaises contre les pays musulmans, qui viennent vivre dans les pays de Kufr, hein, et qui quittent les musulmans, ils ne veulent pas vivre avec eux, mais quand c'est le temps de mourir, ils ne veulent pas mourir avec eux, ils veulent aller vivre, se faire enterrer dans les pays musulmans. Et donc ça c'est pour faire comprendre que si tu ne veux pas mourir chez les kuffars, pourquoi tu veux vivre chez eux, hein? Et déjà le verdict d'Allah et le verdict de la charia à ce sujet-là, il est clair qu'on ne doit pas vivre dans les pays de kuffar si on a la capacité et le choix d'aller ailleurs dans les pays musulmans. Donc ça c'est juste un petit point en passant que je voulais mentionner, qu'il ne faut plus juste penser de l'idée qu'on va venir vivre dans les pays de kuffar, mais il faut penser aussi l'idée qu'on vient aussi mourir. Et bien entendu, Allah il dit dans le Coran, يعني ولا تدري نفس بأي أرض تموت. Aucune âme ne sait où elle va mourir. Ça c'est vrai. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné des choses, il nous a interdit des choses. Ce qu'il nous a ordonné, il faut le faire, et ce qu'il nous a interdit, il faut s'en écarter. Et parmi les choses qu'il nous a ordonné, c'est de ne pas de rester avec les musulmans, et il nous a interdit de se mélanger au kuffar. Donc, le fait de respecter cet ordre-là, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va rester on va mourir, Inch'Allah, dans un endroit qui est bon. Hein? C'est comme pas dans les meilleures conditions. Parce que toi, tu as le choix. Allah, il sait où tu vas mourir. Toi, tu sais pas où tu vas mourir. Mais tu as le choix de mourir, je sais pas moi, dans un bar, ou bien de mourir dans une mosquée. Hein? Si tu veux pas mourir dans un bar, rentre pas dans le bar, hein. Donc c'est la même chose. Ouais, si, c'est ça, c'est un bar à ciel ouvert. Parce que c'est un endroit où les gens viennent pour faire le péché, pour s'écarter de l'obéissance d'Allah, et non pas pour l'obéir. Et des fois tu rencontres parmi les munafiqines, les gens qui viennent des pays musulmans ici, et quand tu viens ici pour leur dire par exemple, tu leur donnes nasiha, ou tu leur ordonnes le bien, tu leur interdis le mal, tu leur dis, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ou il faut obéir à Allah, et que tu critiques par exemple le fait que ici tu peux pas adorer Allah comme tu veux, puis tu peux pas respecter les règles de l'islam comme il faut, eux ils disent, si t'es pas content, pourquoi tu vas pas dans les pays musulmans? C'est comme si, yani, ils sont musulmans comme toi, ils se disent musulmans, puis après ils disent, si t'es pas content ici c'est pas pour pratiquer l'islam, va dans ton pays, va dans le pays musulman. Donc c'est une attitude vraiment hypocrite de la part de ces gens-là. Du fait, c'est comme si en fait ils sont en train de dire, nous on est venus ici, c'est pas pour l'islam. Et donc on le sait puis on le dit tout haut. Toi tu parles de l'islam puis t'es ici, alors c'est pas la bonne place pour parler de l'islam. Retourne dans ton pays ou va dans les pays musulmans si tu veux appliquer la religion musulmane. Donc ça c'est une parole vraiment d'hypocrisie. C'est une parole d'hypocrite, de nifaq, parce que tu peux pas dire aux musulmans, tu peux pas dire à quelqu'un, moi je veux rester ici, malgré tout ce qui est haram et tout ce qui est contraire à l'islam, mais toi si tu veux l'islam, va-t'en, comme si toi t'en veux pas pour toi-même. Ça c'est contradictoire. Il y a des gens comme ça maintenant. Ça, c'est une idée qui est répandue chez beaucoup de monde aujourd'hui, l'idée que on a le choix dans l'islam, de faire le bien ou de faire le mal, puis que on doit laisser à tout le monde la liberté de choisir dans la société, de faire tout ce qu'ils veulent. Et ça c'est contraire bien entendu à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est-à-dire que dans l'islam, les musulmans, ils doivent ordonner le bien, ils doivent interdire le mal. Et les dirigeants musulmans, ils ont une responsabilité, c'est de faire respecter aux hommes la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de leur ordonner de faire le bien et de leur interdire de faire le mal par l'autorité qu'ils ont. Donc ils n'ont pas le droit de dire aux gens, celui qui veut faire le bien, il a le choix de faire le bien, celui qui veut faire le mal, il a le choix de faire le mal. Pourquoi? Parce que ça, c'est tu ouvres la porte au shaitan. Et les pressions qui sont mises pour faire le mal dans l'humanité sont plus grandes que les pressions qui sont mises pour faire le bien. C'est pour ça qu'on a besoin de l'autorité du dirigeant et de l'autorité des gens qui sont en position d'autorité pour faire respecter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a ton nafs à toi qui te pousse vers le mal. Un nafs al-ammar du bissou. Ensuite de ça, il y a le shaitan qui te pousse à faire le haram. Hein? En plus de ça, il y a les gens qui aiment le péché, qui t'incitent à le faire et qui appellent au péché. Hein? Et donc, toutes ces choses-là qui sont autour de toi, qui t'incitent toujours à aller vers le mal. Donc, si tu dis aux gens, vous avez le choix de faire le bien, le choix de faire le mal, et que tu ne mets aucune barrière, c'est sûr que le mal va dominer. Parce que les hommes sont toujours penchés vers le mal et ils sont faibles devant le haram. Donc quand il y a une barrière et lorsqu'il y a une interdiction et lorsqu'il y a une autorité qui applique et ordonne la loi d'Allah, là il y a plus de facilité pour les hommes de faire ce qui est bien et de s'écarter de ce qui est mauvais. Parce que non seulement il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher du châtiment d'Allah, mais en plus de ça, il a la peur de désobéir à Allah pour éviter un châtiment, non seulement dans la vie après la mort, mais même un châtiment dans cette vie aussi, pour le péché que s'il le fait, il va avoir une punition dans ce monde en plus. Donc ça va faire en sorte que dans la société, il y aura plus de pureté, plus de piété, plus de bien, et le halal et le bien, le bon va être facilité, et le haram va être découragé, et les gens vont pouvoir s'en écarter plus facilement, d'accord? C'est comme si par exemple, imaginons qu'il n'y avait aucune discothèque à Montréal, aucun club, aucun bar, pas d'alcool. Alors, si quelqu'un voulait boire de l'alcool ou chercher à en trouver, ça allait être beaucoup plus difficile pour lui. Hein? Mais si on ouvre des bars et des magasins d'alcool à chaque coin de rue, et que tu dis aux gens allez boire de l'alcool, là, n'importe quand, quelqu'un qui a, par exemple, qui a un problème d'alcoolisme et qu'il a envie d'arrêter, à chaque fois qu'il essaie d'arrêter, il voit le bas, il tombe encore. Parce qu'il a de la difficulté à s'en abstenir. Et ben, c'est la même chose. C'est comme la loterie, les casinos, les cigarettes, la drogue et tout. Donc, quand tu mets les choses à disponibilité des gens pour qu'ils puissent le faire, c'est plus facile pour eux de tomber dans le péché, tandis que si tu leur interdis, que tu le bloques, que tu fermes les portes à ce haram, alors dans ce cas-là, c'est plus facile pour les gens de s'en écarter. C'est comme si en réalité, tu les aides à s'éloigner de ce qui est mauvais pour eux. D'accord? Donc, c'est ça le but, en fait. Et donc, c'est pas une question de dire, ah, mais non, les hommes sont libres, et on doit laisser tout le monde la liberté de choisir qu'est-ce qu'il veut faire. Et il y en a même qui essaient d'utiliser un argument, et ça c'est grave. Ils essaient de dire, Dieu nous a donné le libre arbitre, et donc vous devez nous laisser utiliser notre libre arbitre. Et en voulant dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le choix entre le bien et le mal. Oui, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé le bien et le mal, mais il nous a aussi révélé des lois, et il a aussi mis des restrictions et des punitions pour certains péchés, pour éviter justement que les hommes tombent dans ce péché-là, malgré qu'ils ont le libre arbitre, ou qu'ils ont le choix de choisir le bien ou le mal. C'est pour ça que par exemple, même les koufars qui croient pas en Allah ou en la loi d'Allah, ils mettent des punitions pour certains péchés, pour certains crimes, comme par exemple le vol. Pourquoi les koufars n'ont pas dit par exemple, on va laisser aux hommes le libre arbitre et on va pas les punir quand ils volent. Hein? C'est Dieu qui va les juger. Premièrement, parce qu'ils croient pas à Allah, ils peuvent pas dire ça. Et deuxièmement, si tu dis ça, est-ce que tu penses que les gens vont dire, ah, c'est vrai, le vol c'est mal. On va, donc, moralement, c'est quelque chose de mauvais. Donc, on va arrêter de voler. Quoi, les gens d'eux-mêmes, ils vont arrêter de voler, les voleurs? Mais justement, il n'y a pas de morale. Et donc, la même chose, quand on parle par exemple de la fornication, de l'adultère, de l'alcool, de la drogue ou des autres péchés de ce genre, si tu laisses aux gens la liberté de les faire et que tu dis chacun est libre et chacun a un libre arbitre, alors pourquoi tu dis pas la même chose pour le vol ou pour le meurtre, ou pour les autres crimes, hein. C'est vrai, les hommes, ils ont le libre arbitre, laisse les hommes choisir de faire le crime. Si par exemple tu dis, ah le meurtre c'est mauvais, donc pas besoin de mettre punition dans cette vie, Dieu va les juger, laisse-leur avec le libre arbitre. Et celui qui tue, tant pis pour lui, Dieu va le punir. On n'a pas à punir quelqu'un qui tue dans ce monde ou à le mettre en prison. C'est absurde, tout le monde va commencer à se tuer, hein, et à se couper les têtes les uns des autres pour se voler les biens des uns des autres, pour faire toutes sortes d'injustices dans ce monde. Et c'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Il veut que dans ce monde il y ait une justice, il y ait un combat pour la vérité, il y ait des épreuves entre les hommes pour savoir qui est pour le bien et qui est exactement. Ah, c'est un bon exemple aussi. Hein, qu'est-ce que le frère Mohamed dit? Il y a des gens qui veulent se suicider. Hein, il y en a qui veulent se droguer. Et nous, on les empêche de faire ça. Et on leur interdit de se suicider et de se faire du mal à eux-mêmes. Ou de se droguer ou de faire des choses comme ça. Pourquoi on fait ça? C'est pour leur bien. Parce que même si eux, ils pensent que pour eux, la mort est meilleure, pour un croyant, c'est très facile à comprendre. Mais pour un kafir, même les koufars entre eux, ils s'interdisent que les gens se tuent. D'accord? Donc c'est pour bien comprendre, hein, que la vie, là, ils disent qu'on ne peut pas les laisser se tuer. Pourquoi? C'est la même chose. Si quelqu'un, une femme par exemple, elle se dit, ah, moi je veux marcher à moitié nu, j'aime ça marcher avec les mini-jupes et les trucs attirants dans la rue, quand je marche avec ça, je me sens bien, dans ma peau, ça me fait du bien. Les hommes me regardent, j'aime ça. Donc, si on disait par exemple, oui, mais c'est pas parce que tu aimes ça, ou c'est pas parce que tu penses que c'est ça qui est bon pour toi, que c'est bon pour toi, il faut qu'on t'empêche de faire ça, parce que c'est quelque chose de mauvais, pour toi et pour les autres. La même chose que quand quelqu'un veut se tuer, on doit l'empêcher de se tuer, parce que c'est quelque chose qui est mauvais. Pour elle-même et pour les autres aussi. Quand quelqu'un, par exemple, dit, ah, la femme, elle s'habille à moitié nue, elle sort dehors à moitié nue. Et elle dit, je ne fais pas de mal à personne. Hein? Elle dit, je ne fais pas de mal à personne. Pourquoi? Parce qu'elle pense que le fait qu'elle n'est pas en train de frapper quelqu'un ou de voler ou de faire du mal physiquement à une autre personne, que ça y est, elle n'a aucun tort, elle n'a aucun blâme. Mais elle fait un mal aux gens d'une autre manière, et c'est un mal qui est différent que le mal physique. C'est un mal dans le fait qu'elle cause du trouble et elle dérange les gens qui la regardent, du fait qu'ils vont être peut-être tentés ou être attirés vers elle et des choses de ce genre, ou même choqués ou offusqués ou offensés, hein. Et donc c'est ça. Et ils ont une loi, les koufars, dans leur loi inventée, qui interdit l'obscénité. Mais étant donné que l'obscénité n'est pas définie, ils laissent la porte ouverte. Et il y a plein d'exemples d'obscénité dans la rue aujourd'hui, mais ils n'ont jamais appliqué leur loi à propos de l'obscénité. Tu te dis, mais comment vous avez une loi qui interdit l'obscénité, mais vous ne l'avez jamais appliquée? Mais parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'obscénité. Mais si tu ne sais pas c'est quoi l'obscénité, tu ne peux pas l'interdire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini la limite. Et qu'est-ce qu'on doit suivre comme règle, comme principe à ce sujet-là. Donc nous, on se réfère à ça. Traiter de ces autres sujets-là. Mais là, on va finir la dernière partie. Le cheikh, il dit, فَهَذَا هُوَ الشَّاهِدُ فَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الشَّاهِدُ لَوْ لِأَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ بَابَ الْجَنَّةِ والتسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، وإذا قيل لو في مثل هذا الحال فإنه لا تجوز. Donc c'est pour ça que le chef il a parlé de ça. Hein? Il a parlé de ça. Quand quelqu'un, Allah a écrit à son sujet qu'il doit mourir, il va mourir, peu importe qu'est-ce qu'il fait. Et il a parlé de, il a mentionné ce verset là. Et c'est ça un des points qu'il voulait souligner dans ce chapitre, du fait que quand tu utilises le terme « si » pour te plaindre de quelque chose, ou pour montrer que tu es insatisfait ou en colère contre les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es insatisfait de ce qu'Allah a prédestiné et qu'est-ce qu'il a décrété, dans ce cas-là, c'est interdit de le dire de cette façon-là dans l'islam. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de koufars, des fois, comme ça, ils disent, ils s'adressent à Dieu, puis ils critiquent Dieu ou ils blâment Dieu en disant, pourquoi, hein? Pourquoi moi ou pourquoi ça, des choses comme ça. Et ça, c'est un autre exemple de ça. Exactement. Ils demandent pourquoi. Exactement, c'est contradictoire. Après, le Jésus dit, وقال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هذه قالها عبد الله بن أبي رأس المنافقين. Donc nous on va s'arrêter ici, on va pas expliquer ça, on va le laisser pour demain inshallah, parce que on a le fait qu'on ait expliqué des choses des chapitres passés, ça a pris du temps pour le temps qu'on avait pour expliquer le cours d'aujourd'hui. Donc, on va le laisser pour demain, inshallah. On continuera la suite de ce chapitre-là demain. En tout cas, je vais juste clore le dars. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.